Bonjour tout le monde et bienvenue pour un débat comics un peu particulier parce que nous sommes tous en confinement et on a retrouvé une solution quand même pour essayer de tourner une petite émission à la va-vite. Confinement oblige, pour le moment il n'y aura pas d'invité jusqu'à la fin du confinement au minimum. J'ai avec moi notre ami Adrien. Salut tout le monde. Et j'ai notre ami Sweeper, aka Nico, ou Nico aka Sweep, je ne sais jamais. Je ne sais jamais comment il faut t'appeler. Nico, ça passe. Et du coup, Nico. Salut tout le monde. Alors, pour cette émission un peu particulière, on a décidé des sujets d'actualité. On va parler de la mort du Uderzo, pour commencer, parce que c'était un immense dessinateur français. On va parler des films et des comics à l'arrêt suite au Covid-19. Adrien nous parlera du retour de Bleach. Et on va terminer par nos lectures de confinement. Alors, il y a quelques jours, on a appris la mort d'Uderzo, le grand dessinateur de Astérix. Et en tant que Français, en tant que podcast lecteur. Du 19e art, lecteur, on était obligé de parler de la mort d'Uderzo. Peut-être avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi vos premiers souvenirs d'Astérix ? Moi, clairement, c'était les BD, parce que ma grande sœur, à l'époque, les lisait. Donc, du coup, j'avais les vieux originaux des Astérix et Obélix chez moi. Dès que j'ai pu commencer un peu à lire, je me suis vite tourné vers les BD que j'avais à disposition. Mais forcément, c'était les Astérix, quoi. Donc, moi, j'ai toujours connu ça. Ça fait partie de l'enfance, quoi. Vraiment, tu vis avec ça. Tu nais. Enfin, pour notre génération, en tout cas. Ouais, moi, c'est plutôt les dessins animés qu'on avait. Parce que côté BD, je pense que mon père devait en avoir, mais moi j'étais plutôt sur les Gaston, la gaffe, à lire. Donc j'en ai lu quelques-uns, mais c'est pas mon plus gros souvenir. Et mes premiers souvenirs d'Astérix, par contre, les côtés dessins animés, avec par exemple les 12 travaux d'Astérix et tout, là c'était vraiment les trucs, quand j'étais gamin, tout le temps, je les matais, je les rematais. Ça c'était les gros souvenirs, ouais. Ah, ça c'était pareil. C'était je pense les deux, si je devais dire en deuxième, c'était les cassettes VHS des Astérix et Obélisk. Ouais. Je suis un peu comme Nico. Moi, j'ai lu aucune BD d'Astérix. Je n'ai pas chez moi. Je n'ai jamais lu. Et j'ai connu ça via les cassettes qu'on louait chez le loueur à l'époque, avec tous les dessins animés, les 12 travaux, les Astérix et les Indiens, Astérix le Gaulois et tout ça. J'ai passé des après-midi à regarder ça, c'était génial. Franchement, ouais, les 12 travaux d'Astérix, pour moi, ça reste que... C'est le plus mythique, je pense. Franchement, il est vraiment... Mais moi, quand j'ai regardé ce film-là, mais en plus, j'avais l'impression que je regardais un film de 3 heures, tellement j'étais dedans tellement, j'étais là, mon Dieu, c'est trop bien, ça s'arrête jamais. Il se passe tellement de choses dans celui-là, en plus. C'est vraiment... Ah oui. Puis après, les 12 travaux, c'est mon favori. Il y a Mission Cléopâtre. Bon, celui-là... Ah, mais ça, après, c'est plus tard, c'est autre chose. Le dessin animé, il est pas si jeune que ça. Hein. Ouais, oui. Le dessin animé, il est vieux. Ouais, hein. Le dessin animé doit dater, ouais, attends. Ouais, non, le dessin animé, il date. Après, on peut parler des films. Hein. C'est vrai que Mission Cléopâtre, pour moi, c'est le meilleur film d'Astérix qu'ils ont sorti. Après, il y a eu les films, effectivement, où... Après, il y a pléiade d'acteurs aussi qui jouent beaucoup, mais tout est tellement bien joué, bien... Ouais. Et après, bon, il y a un nouveau film qui va sortir. Je crois que c'est Guillaume Canet qui a la réalisation. Mais je crois qu'il y a aussi Astier qui prépare peut-être un troisième film d'animation. Ouais, peut-être. Non, je Ah bon ? Je sais pas. Astier, j'avais vu un interview d'Alexandre Astier qui disait qu'après ces trois longs métrages d'animation d'Astérix, il n'avait pas l'intention d'en faire un autre. Alors, Il en a fait deux. Je pensais qu'il a fait une trilogie. Mais, non, il n'a pas fait de trilogie, justement. Et c'est là où on doute, est-ce qu'il va y en avoir un troisième ? D'accord, parce que j'avais vu que ce qu'il avait fait lui plaisait, bon, évidemment, lui plaisait beaucoup. Il nous a tous plu aussi, mais qu'il n'avait pas l'intention d'en faire un autre. Mais bon, surtout qu'il a en plus, il a un peu de taf derrière lui à faire, vu qu'il a 3 films à faire. Ouais. Ah non, 2. Il y en a un qui est terminé au niveau du tournage. Oui, mais à l'époque, il en avait 3 à faire. Oui, c'est pas faux. Putain, Adrien, je t'ai tendu la perche, là. Qu'est-ce que t'as pas compris encore? Ah, voilà, enfin, putain, c'est pas trop tôt que tu réagis. Donc, ouais, après, je sais pas si vous avez vu le nombre d'artistes qui lui ont rendu hommage sur ces derniers jours. Il y en a eu un paquet. J'ai vu que tu avais mis Mignola, par exemple, qui avait fait un hommage. Ouais, Mignola a fait un hommage avec un dessin. Il y a eu, oh putain, alors lui, j'arrive jamais à dire son nom, c'est Bill Sienkiewski. En bref, c'est un nom pour un Polonais qui a travaillé à l'époque sur Elektra. Il avait fait une mini-série, enfin une série complète sur Elektra, et c'est un dessinateur qui est juste génial. C'est juste dommage que j'arrive pas à dire son nom. Il y a eu Marc Millar qui a partagé quelque chose sur ses réseaux sociaux. Raphaël Albuquerque également. Il y a eu Marini qui a fait un hommage. Alexandre Astier a fait un hommage aussi. Oui, il y a Manara qui a fait un hommage. Ou pour une fois, il n'y a aucune femme à poil. Il faut le noter quand même. Philippe Guéluc qui a fait Le Chat, qui a fait un hommage également. Zep. Il y a eu énormément d'artistes. Et ça fait du bien. Ça fait plaisir à voir. On voit que c'était surtout international, c'était un peu partout, c'était vraiment la totale, quoi. C'est pas juste un truc genre européen ou français, t'avais vraiment beaucoup de monde en hommage là-dessus. Et vous saviez que Uderzo n'avait pas fait que du Astérix ? Ah oui, bah comme tout le monde, il a travaillé sur plein de choses quand même. Oui, alors il a travaillé sur de nombreuses BD qui sont parues dans le Spirou Magazine à l'époque et Pilote. Mais il avait fait également une autre grande série de BD qui a été adaptée au cinéma sous le nom des Chevaliers du Ciel. C'était Les Aventuriers de Tanguy et de la Verdure. D'accord, ok. Et c'était une BD qui parlait de l'histoire de deux pilotes de chasse. Ok. Et je crois que le film, ça fait depuis 10 ans, 10-15 ans qu'il avait été adapté au cinéma avec Clovis Cornillac. D'accord, ah, ouais. Oui, ça je l'ai vu, putain, j'avais bien aimé à l'époque, ça me faisait penser un peu au Top Gun à la française, mais j'avais bien aimé le film, effectivement. Ah d'accord, et ça revient du coup de la BD. Ça vient de la BD, encore une fois, nos scénaristes n'ont rien inventé, ils ont juste piqué tout ce qu'il y avait dans la BD, et c'était dessiné par Uderzo. Et ouais, c'était Les Chevaliers du Ciel, effectivement, le film, avec Clovis Cornillac. Ok, et je savais pas que ça venait de lui. Ok. Comme quoi, on en apprend tous les jours. C'est ça. Mais je l'ai appris en faisant les recherches. Je te rassure. J'étais pas au courant comme ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour, non ? À moins que vous voulez rajouter quelque chose ? Bon, on peut quand même faire un truc. La mort du Derzo, qu'est-ce que ça vous a fait ? Parce que c'est... Ça touche quand même. Ça vous a fait quoi à vous ? Ouais, ça touche, ça a été une surprise. C'est vrai que c'est toujours une mort un peu inattendue. Et puis, quand tu l'apprends, c'est la première chose à laquelle tu penses, justement, c'est au vieux Astérix, au dessin animé, au BD, au film. Tu te rends compte et tu te fais un peu, tu te remémores un peu les situations auxquelles tu avais découvert telle ou telle chose. Ou tu te dis, ah putain, il est mort, ça me fait penser à Astérix. Et du coup, nous, c'est vrai qu'on parle beaucoup de. On fait beaucoup d'éloges en tout cas à Cléopâtre, tu vois, celui de Mission Cléopâtre où on rigole beaucoup, oui. On se remémore souvent les scènes de ce film. C'est vrai que... Et du coup, tu dis, ah mince, putain, ça touche, quoi. Je sais pas pour vous, mais... Ouais, c'est vrai que ça fait bizarre. Tu te lèves le matin, t'es confiné, t'allumes les informations, parce que bon, il y en a qui suivent les informations pour avoir quelques nouvelles. Et puis là, boum, tu tombes sur la mort du Derzo, tu dis, oh merde, fais chier. Et là, tu repenses à tous tes premiers souvenirs avec Astérix, et tu te dis, putain, j'aimerais bien m'en remater. Ouais, carrément, carrément. Alors, il me semble d'ailleurs qu'il y en a quelques-uns sur Netflix. Ah bon? Ouais, il y en a quelques-uns. Il y avait 12 travaux d'Astérix d'ailleurs sur Netflix. Ah, mais tiens, voilà, je sais ce que je vais me faire alors. Attends, je vérifie l'information. Ah ouais, 12 travaux, Astérix et Cléopâtre, je confirme. Ouais, j'avais et ben, c'est tout. Il y en a deux. Voilà, les deux qu'on a parlé, putain, on est fort quand même. Hein. Et pour ceux qui ont Canal, vous avez le dernier film d'Astier qui est en replay. Mais je crois que Canal est disponible pour tout le monde en ce moment, non ? Ouais, mais c'est ça. Alors ça, c'est un des trucs qu'on doit voir tout à l'heure. Ça va bientôt couper. Eh oui. Donc. Vous avez plus beaucoup de temps pour aller voir le dernier film d'Astier. Je crois que c'est jusqu'au. Ils ont jusqu'au 7 avril, je crois. Ah oui. 7 avril, ils doivent tout couper. Il me semble que c'est ça. Ou sinon, c'est cette semaine et ça se termine là. Je ne sais plus. Mais je sais que ça va annoncer pendant. Ben, peut-être lundi, ouais, c'est ça. Je ne sais plus. Mais je sais qu'ils ils se sont fait taper parce que les autres chaînes râlaient à cause de ça, alors que les autres chaînes proposent que de la merde. Et... Voilà, mais du coup, ils sont obligés de fermer. Mais c'est une autre discussion. Oui, on va y revenir plus tard. Il faut qu'on en parle, mais plus tard. Voilà. Et ben d'ailleurs, on va en parler peut-être maintenant avec ces histoires de Covoïd. Pâtisserie empoisonnée, les beignets mortels. Oui. Macarons foudroyants. Pas mal. Tarte au venin de vipère. Classique. Clafoutis au curare. Bon. Oh, le pudding à l'arsenic. Oh oui. Après ce vibrant hommage à Uderzo, on va réattaquer avec un sujet qui nous touche à tous, un sujet qui nous fait qui nous confine chez nous. On va vous parler du coronavirus. Alors bon, on va éviter tout ce qui est spéculation, théorie du complot, chloroquine, pas chloroquine. Ça, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est ce qui touche au cinéma, aux comics. Et on va et à la télé, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le Covid. Qui veut essayer de résumer un peu mieux ? De quoi ? Tout ce qui est bloqué avec le Covid. Et les conséquences, peut-être les conséquences cinéma, tu peux en parler vite fait, Nico ? Forcément. Côté cinéma, de toute façon, comme la plupart des commerces, que ce soit nous sur les comics, les mangas et tout, toutes les librairies sont fermées. On peut toujours essayer de se faire livrer maintenant, mais bon, ça serait un peu dégueulasse après pour les librairies. Donc voilà. Côté ciné, au début, je sais qu'on avait le droit, à 100 places par salle, sauf que maintenant tout est fermé aussi. Donc il n'y a plus de films qui sortent au cinéma. Et le problème, c'est que là, il y a plein de films qui sont censés sortir. Et bon, on verra après qu'il y a eu quelques adaptations. Certains ont fait des adaptations, mais pas tous par rapport à ça. Et après, ouais, voilà, même en général. Après, on a vu sur les chaînes, des chaînes télé ou même des sites internet pour adultes, pour certains, ou même des sites de stream, comme par exemple, je pense à ADN, qui a du contenu gratuit, qui propose comme les Naruto pour les regarder. On a Canal qui s'était mis en clair, justement, pour que tout le monde puisse regarder, afin qu'on passe tous OCS, plus de temps. Ouais, mais ça, OCS, c'est que pour les clients Orange, il me semble. Oui, ah bon ? Et vu que ma box est pétée, de toute façon, je peux même pas en profiter. Ah merde. Attends, t'as pas choisi ton moment pour péter ta box. Je sais pas. Mais donc, effectivement, on a pas mal de médias de base qui, du coup, sont tous là pour nous. Même, je vois, par exemple, j'ai vu des trucs circuler, comme par exemple avec la FNAC ou autre, qui proposait des livres gratuitement à lire. Donc, bien sûr, c'est sur Internet, donc sur vos smartphones, vos ordinateurs, tablettes et tout. Mais avec un nombre déjà de livres, de mangas. Mais alors, j'essaie de regarder, par exemple, manga ou comics. Manga, j'ai vu, je sais pas si c'est un premier tome ou un chapitre qui est proposé et tout. Alors, mais en manga, il me semble que c'est les premiers chapitres. Ouais, c'est ce qui me semble aussi. Mais du coup, on remarque beaucoup d'efforts dans tous les sens pour que on tienne tous le confinement comme il faut. Sauf bien sûr, je tiens juste à dire une chose, l'État qui a fait décaler Disney+, et ça m'a bien fait chier. Alors, attends, avant de parler de Disney+, on va en parler maintenant, on va essayer de hiérarchiser un peu la chose. Je propose qu'on parle déjà des conséquences point de vue télé, donc avec un canal gratuit qui n'est plus gratuit. On va parler de Disney+, on va parler également des annulations ou des reports de certains programmes télé. Et après, on descendra sur le cinéma pour terminer sur le comics. Ok. Alors, okay. Point de vue télé, donc comme tu as dit, il y a certaines chaînes en France qui ont fait pas mal d'efforts, dont Canal+, qui a proposé de mettre Canal gratuitement. Il y a un gros effort quand même, parce que depuis Canal+, la création, je pense que c'est au moins 15-20 ans de Canal, c'est la première fois qu'ils le font quand même, ça. Il me semble. On a plus 15-20 ans de création, je crois que Canal, c'est les années 80, donc on a presque, à mon avis, au niveau des 40 ans. Mais après, on est quand même sur une crise extraordinaire depuis, enfin, on a jamais vu ça. C'est un beau geste de Canal, parce que c'est vrai que le cinéma à la française, quoi, ça passe quand même par Canal, et c'est un beau geste de leur part. C'est bien de leur part de l'avoir fait. Canal+, 1984. Ok, bon, ben, j'étais loin du compte, en fait. Ouais. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a eu un geste. Bon, les autres chaînes n'ont pas forcément apprécié parce qu'ils savaient qu'ils allaient perdre de l'audience. Non, mais ouais. Enfin, quand tu vois que M6, par exemple, pour essayer de te ramener des gens, dit on va repasser les téléfilms de Noël, non, on n'a pas rien à foutre, quoi. C'est. Ouais, déjà, ils râlent, mais bon, ils sont Noël, pas de Noël, tu pas. Tu m'as coupé l'herbe sur le pied, je voulais en parler. Non, mais c'est vrai que là, M6 se fout de la gueule du monde. C'est pas comme s'ils avaient les Bones, les Malcolm, les NCIS, les NCIS Los Angeles et tout ce qui va comme série pour essayer de meubler au lieu de nous foutre des putains de comment ça s'appelle, de téléfilms de Noël de merde. Ouais, clairement. Oui. Surtout qu'en plus, à la base, déjà, les téléfilms de Noël, tu les regardes juste pour t'endormir et faire ta sieste du dimanche. À part ça, tu les regardes pas parce que c'est de la merde. Donc, c'est toujours la même histoire. Enfin bon, c'est nous foutre de notre gueule, quoi. Donc, non, là-dessus, c'est assez chiant. Donc, à savoir qu'il y a eu, aux États-Unis, certaines gros programmes ont été repoussés, comme le final de Walking Dead a été repoussé suite au Corona. Les séries de la CW, donc Flash, Legend of Tomorrow, Batwoman, Bordel, tout ça, c'est repoussé également. Pareil pour Stargirl. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de conséquences et les productions prennent un peu de retard également là-dessus. Mais ouais, mais tu vois, c'est presque illogique parce que c'est là où ils auraient presque la meilleure audience pour eux, parce que c'est à ce moment-là où tout le monde n'a quasiment rien à faire et sont obligés de rester chez eux et du coup à regarder leur série. Je trouve pas ça très logique de leur part, mais bon. Alors, sur un de mes moments de désespoir, je suis tombé, je crois que c'était sur un CNews, vraiment un moment de désespoir, sur le fait qu'il y a... Ah non, c'était sur Quotidien que j'ai appris ça. Il y a moins de réclames publicitaires. Forcément, à cause du corona, les gens ne peuvent pas sortir. Donc, ça ne sert à rien de foutre des pubs de voitures ou de jouets et compagnie parce que les gens ne peuvent pas aller acheter ce genre de choses vu que tout le monde est confiné. C'est juste pour la pub, en fait. D'accord. Les chaînes perdent pas mal d'argent à cause de la pub. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils essaient de recycler des vieux programmes comme les films de Noël. Après, normalement, ils ont plein de séries. Enfin, je n'ai pas lu le droit actuel qu'ils ont sur les séries et tout, mais ils doivent avoir plein de séries ou de vieilles séries qu'ils doivent peut-être encore avoir en main et qui pourraient repasser. Qui peuvent repasser partout. Mais... Après, ils ont aussi un problème à cause de la TNT. Tu as des séries, enfin, tu as des chaînes qui se sont multipliées. Donc, tu as M6, tu as W9. Je crois que tu as d'autres chaînes du groupe M6, ta sister qui existe également. Et donc, tout ça fait qu'ils doivent meubler toutes ces chaînes. Je parle pas de TF1. Ah oui, mais c'est sûr. Mais je pense que ceux qui s'en sortent le mieux, c'est Canal avec ses stars, ou s'ils veulent, ils peuvent mettre de la musique non-stop toute la journée. Oui, c'est sûr. Mais voilà, c'est pour ça que point de vue télé, il morfle un peu. Après, c'est vrai que tant qu'il y a des gestes de la part de OCS et compagnie, ça peut aider pour nous à regarder autre chose que des films de Noël. Ouais, mais bon, je capte pas en soi, si on réfléchit, je capte même pas la décision que par rapport au gouvernement et tout, de dire à Canal de stopper leur truc et de plus mettre au clair, parce que les autres râlent sur ça. Mais le problème, c'est qu'en fait, personne ne regarde la télé en clair, donc tu vas avoir plus de monde sur Amazon Prime, sur donc l'Amazon Vidéo, sur Netflix, après sur Disney+, quand ça va sortir et tout, ce qui va bouffer trop de débit, alors que tout le monde pourrait regarder la télé en clair normalement et bouffer moins ce débit pour les secours et tout. Donc, techniquement, c'est une décision complètement con, quoi. Ah mais ouais, mais ça c'est juste parce que justement ceux qui ont pas tout ce qui est Netflix et tout ça et qu'ils étaient bien contents d'avoir Canal+, mais du coup ils regardaient Canal+ et pas les chaînes nationales. Du coup, juste pour l'audience, ils ont dit ah ouais mais non là on perd trop d'audience et voilà, faut pas. Je pense qu'il faut pas chercher trop loin. Ouais, c'est surtout également que qu'avec les nouvelles réglementations sur les sorties de films chez Canal et OCS, t'as le dernier Spider-Man qui est sorti dernièrement sur OCS, il y a 10 jours, je dirais. T'as sur Canal, t'as le dernier Aladdin, enfin le Aladdin, le film qui oui. est sorti également. Et ça, les gens, forcément, entre regarder un téléfilm de Noël ou regarder le dernier Aladdin qui vient de sortir avec Will Smith, tu te sacrifies, tu regardes Aladdin, quoi. Ah oui, ah, c'est sûr. Donc, c'est compliqué pour eux. Après, ça, c'est comme ça, malheureusement. Sur Disney+, bon, le report, normalement, la sortie, ça serait le 7 avril, si c'est pas repoussé encore. Bah, vu qu'on a à nouveau allongé le confinement, ça pourrait être repoussé. Et en sachant qu'ils ont décidé de repousser uniquement en France. Tous les autres oui. pays d'Europe, non. Je crois que la Suisse ou la Belgique, par exemple, ils s'est sorti le 24, ils n'ont pas de soucis. C'est vraiment que chez nous. Un peu à la rue, quoi, comme d'habitude. Ah ouais, non mais... Putain, moi qui voulais me faire les Star Wars Rebels, les Clone Wars et tout, là je suis deg. Putain, oui. Et surtout que, bon, on va vite fait parler de la programmation de Disney+. Vous avez vu tout ce qu'ils proposent ? J'ai vu un peu, ouais. C'est quand même assez hallucinant. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'ils mettent autant. Hein. Et ils ont raison. Après, ils ne vont pas sortir des programmes tous les mois à la Netflix. Ils vont jouer, à mon avis, comme sur Amazon Prime, sortir 2-3 grosses séries, enfin, sortir peut-être une grosse série par mois. Mais sinon, à part ça, ils sont obligés d'envoyer du lourd tout de suite. À eux, ben, s'ils veulent rentrer dans la concurrence des Amazon Prime Video et de Netflix, qui sont quand même les deux gros streamers, ils sont obligés de mettre du contenu et c'est ce qu'ils ont fait, quoi. Ah oui, mais ils en ont proposé énormément, oui. Après, il faut voir en soi, si je me souviens bien, il y a quelques trucs, mais c'est beaucoup des trucs de jeunes, hein. Il n'y a pas des trucs, des séries genre adultes. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup de trucs du style. Non, ouais, à part Mandalorian, t'as rien. Ouais, c'est ça. Surtout niveau film où ils ont mis le paquet. Ouais. Parce que niveau film, là. Moi, je voulais me refaire les Toy Story. Je voulais me refaire les trois Toy Story en sachant que Canal va bientôt diffuser le Toy Story 4. Ça aurait été Disney+, ça aurait été parfait pour cette période de confinement. Ouais. Surtout que le 4 est génial, si tu l'as jamais vu. Je ne l'ai pas encore vu. Ah, c'est une perle. Ouais, je sais. Il n'y a que toi qui as une carte ciné, Nico. Ben regarde à quoi elle me sert actuellement. Ouais, c'est pas faux. Et au fait, il y a eu une communication de... Parce que bon, maintenant, on va passer au volet cinéma. Est-ce qu'il y a eu une communication de la part de Gaumont sur les abonnements ? Alors, je vais te dire ça. J'ai regardé mes mails. Vu que je payais pas super cher, je sais que j'avais reçu. Pas du tout. Ah, mais je suis con, putain, c'est sur mon mail, c'est le mail pro, c'est le mail du boulot, donc je peux pas répondre comme ça. Mais j'avais reçu un mail, alors pas par rapport aux abonnements, mais je sais par rapport au système de sécurité et tout, dans le cinéma au départ, avec les 100 places, que je crois qu'il fallait se mettre un rang sur deux, des trucs comme ça. Là, récemment, j'ai pas reçu de mail par rapport à l'abonnement, savoir comment ça allait se passer ou pas, donc je sais pas. Mais je sais que déjà, au moins sur les pratiques qu'ils faisaient, les pratiques des 100 places qui sont à la fois intelligentes et complètement connes, parce qu'une salle où tu as 300 places, limite à 100 places, ça va. Une salle où tu as 1000 places, comme une salle IMAX, et que tu restes à 100 places, bah, tu te limites un peu trop, quoi. Mais bon, après, c'était par rapport au truc de rassemblement aussi de l'État. C'est ce qui bloquait un peu le truc. Donc, je sais qu'on a eu ces explications. Après, le reste par rapport à l'abonnement, je n'ai pas souvenir de l'avoir vu. D'accord. Et donc, point de vue film, bon, à moins que vous êtes pas très cinéma, il y a quasiment tous les films qui sont reportés de plus en plus, quoi. Hein. Il y a... Bah, ça avait commencé, je crois, avec la grosse news, c'était 007, il me semble. Ouais. Oh, putain, ça m'a fait mal, ça. Le premier truc qu'on a appris qui était reporté. Ah putain, non, ça c'est vrai que James Bond, ça a été le premier. Marvel disait non, non, nous on repousse pas, on tient, alors qu'ils ont repoussé Mulan, ouais, qui était ouais. bien après Black Widow. Et après, c'est parti chez Sony qui ont dit bon, nous on va diffuser, on sort Bloodshot qui était apparemment une dope point de vue chiffre. En même temps, il n'avait pas pu avoir une sortie internationale et aux États-Unis ça n'avait pas fonctionné, peut-être à cause du Covid ou peut-être à cause du film, ça j'en sais rien. Ouais, forcément, c'était des périodes où les gens ils osaient plus trop aller dans les stades de ciné, quoi. Oui. Donc Sony, pour rattraper le coup, ils ont dit bon, bah, nous on va le sortir directement en VOD. Et de l'autre côté, c'est DC qui a dit bon, bah, nous Wonder Woman, Chabit, on se casse. Et on a terminé par Marvel qui a dit bon, bah, finalement, nous aussi on va repousser Black Widow. Ah bah, vaut mieux pour eux, oui. Mais c'est vrai qu'ils ont vachement tardé à le reporter. Ouais. C'était fou d'apprendre ça. Alors, apparemment, il y a l'acteur qui fait le gardien rouge qui avait dit que, je crois qu'il avait dit ce genre de choses, que Disney ne savait pas s'ils n'allaient pas le diffuser directement sur Disney+. Putain, on ne le verra jamais, nous, alors. Si. Si, parce que s'il n'est pas sorti au cinéma, ils peuvent directement le mettre sur la plateforme. Ouais, je sais pas. Ouais, t'as raison. Parce que si tu veux, la particularité de la loi française, c'est qu'ils peuvent sortir un film quasiment immédiatement après si la plateforme a versé de l'argent dans le film. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'au même moment que ça sort en DVD, ça doit sortir sur Disney+, si Disney+ a mis de l'argent dans le film. Donc, si... Ouais, mais Disney+, ça fait partir de Disney, donc... Non, mais oui, c'est exactement. Pas, en fait. Exactement. Est-ce que Disney va essayer d'enculer l'État à sec avec ce genre de loi ? Moi, j'aimerais bien. Enfin, serait un plus, oui. Ce serait un plus. Mais ben, je sais pas. Moi, je serais deg de ne pas l'avoir vu au ciné, quand même, tu vois. Honnêtement, je sais pas. Ben après, il n'y a pas de raison. Ils ont décidé de le repousser, donc je pense qu'il sortira bien, au cinéma. Mais putain, c'est vrai que tout ça fait mal. Et voilà. Après, est-ce que sortir, d'après vous, un film directement au VOD est une solution ? Oui, si on ne fait pas comme pour Bloodshot. C'est-à-dire foutre le film à 17 balles, qui est largement au-dessus d'un prix de base d'un film VOD. Pour moi, il y en a qui l'ont vu. Et tant mieux pour eux, mais 17 balles, t'es au-delà d'un prix du prix du cinéma. À 17 balles, t'as un cinéma IMAX 3D avec des sièges chauffants presque. Enfin, t'as la super salle. Hein. C'est 17, tu l'achètes. Hein. Je suis pas sûr que tu l'achètes. Hein. Si, tu l'achètes. À 17 balles, tu l'achètes. Ouais, mais même, tu l'achètes en version numérique à 17 euros. Même, ça coûte trop cher, ouais. Ça coûte une blinde, quoi. Enfin... Donc, ouais. Mais après, ça peut être une solution en soi. Bon, après, pour Bloodshot, c'est particulier, mais c'est vrai qu'essayer de continuer comme ça, c'est... Ben moi, je pense qu'il est reporté et qu'on paye 12 balles, comme tu dis, 17 euros pour aller voir le film en IMAX, en ultra bonne qualité sonore, visuelle et même l'assise, que nous les balancer sur les réseaux comme ça... De toute façon, on ne peut pas sortir, alors bon. Après, même, tu vois, ils le sortent en VOD, ça veut dire que. Adrien, tu peux l'avoir en bonne qualité, Bloodshot, entre toi et moi? Non. D'accord, ok. Merci, Adrien, pour cette réponse très claire. Donc, voilà, le problème de le balancer en VOD comme ça, c'est qu'il y a plein de gens qui vont juste le télécharger, quoi, aussi. Oui, aussi. Ça, oui, mais c'est pas bien. Oui, merci, Adrien. Merci. Il est comment, Bloodshot, Adrien? Je sais pas. En tout cas, sur Bloodshot, j'ai vu plein de retours entre bons et mauvais. Donc, je sais pas ce que ça va donner, ce truc. Le problème de Bloodshot, c'est tiré d'un comics Valiant qui est peu connu en France et les gens savent pas quoi donner. Quoi. Et même le public américain moyen, tu leur parles de DC, tu leur parles de Marvel, ils connaissent. Tu leur parles de Valiant... ils connaissent pas, quoi. Donc, c'est comme tout ça, après, c'est logique. Hein. Ouais, mais c'est un risque. C'est un énorme risque. Et puis après, si. Alors moi, j'ai entendu dire qu'il était banal vis-à-vis des autres films de super-héros. D'accord. Bah, je sais pas. Je ne l'ai pas vu, donc. J'ai même pas lu d'infos dessus. Non. Rien. Après, beaucoup de personnes se plaignent de Vin Diesel. Est-ce que c'est le problème ou pas? Je vous laisse en juger là aussi. Hein. Déjà, moi, par rapport au personnage que je connais de Bloodshot, c'est vrai que ça m'a choqué le choix de Vin Diesel. Rien que sur le fait qu'il est avec le fait qu'il ait pas de cheveux, quoi, alors que Bloodshot, il a des cheveux. Oh, tu t'arrêtes à une coiffure, c'est moche. Non, mais moi, j'aime trop quand on respecte à peu près le personnage, c'est ça. Donc, ça m'a. C'est sûr. On aurait pu demander à. C'est un détail visuel que tu vois en premier, en fait. Donc, c'est pour ça que ça peut choquer. Après, sinon, en dehors de ça, à voir ce que donne l'histoire, à voir ce qu'on y apprend. Parce que, ouais, surtout récemment, là, avec les Bloodshot, avec la part que Valiant nous a. Enfin, que Bliss nous a sorti avec Jeff Lemire et tout. Il y avait vraiment de super trucs dessus, même les Bloodshot d'avant. Mais... Donc, c'est, pour moi, Bloodshot, c'est le héros, quasiment, ou un des grands héros de Valiant. Et donc, le sortir comme ça. Pour eux, c'est déjà un plus parce que c'est un des plus connus. S'ils veulent créer l'univers, tu commences par un truc assez connu, quoi. Après, du coup, il faut que je regarde le film, voir ce que ça donne. Mais en tout cas, le show de la VOD, c'est vrai que c'est particulier. Ouais, c'est. C'est un choix, il faut avoir des balls pour le faire. Le dernier Judge Dredd, il était sorti qu'en VOD, en DVD, en français. Il n'était pas passé par la case cinéma. Hein. C'est lequel, le dernier? Le Dredd avec Carl Urban. Ah, peut-être, ouais. Ça me parle. Alors, moi, je l'ai en DVD. Hein. J'avais fait l'effort de l'acheter. Mais n'hésitez pas. C'est sûr qu'il n'est pas sorti au cinéma. Il n'est pas sorti au cinéma. T'as énormément de films. Je l'ai vu, ça, c'est sûr, ouais. Mais putain, j'ai pas. Il y a énormément de films américains qui ne sortent pas forcément au cinéma. Ça dépend s'ils trouvent un distributeur en France qui ont confiance au film ou pas. Et Dredd, les gens n'avaient pas confiance. Il n'est pas sorti au cinéma. Alors qu'il est génial. C'est génial. c'est juste génial. Mais voilà, donc là aussi, on peut voir que Dredd n'avait pas fonctionné au cinéma aux États-Unis, mais par contre, il avait très bien fonctionné à l'international une fois qu'il était sorti en DVD. Ouais. Ou VOD. Ok. Bon, sur ce, on passe aux comics et aux mangas. Yes. Alors, la news sur Bleach. Non, comics et manga, point de vue du Covid. Attends, on va bientôt parler de Bleach. Toujours au niveau du Covid, parce que bon, Nicolas a très bien résumé, les librairies sont fermées. Donc les libraires qui ont c'est fermé. C'est la merde. En plus, j'avais fait des commandes que je devais aller chercher et je ne peux pas. Et c'est, on est tous comme ça. On est tous comme ça. Ouais, mais c'était du Berserk. Eh bien, tu crois que moi, c'était quoi? Adri, alors, je suis en train d'économiser de l'argent. Comme 13, Nico. Ça fait mal. Là, je suis en train d'économiser de l'argent pour dès qu'ils sortent, enfin dès qu'ils réouvrent, je puisse y aller et dépenser sans compter. C'est quand même grave. Moi, je vais économiser un peu, mais quand j'y vais, je pense que j'ai claqué 300 balles d'un coup, c'est sûr. Ah putain. Bon, forcément, on parle de la librairie BD dessinée qui se trouve à côté de la place du Capitole. À Toulouse. Évidemment. À Toulouse. La meilleure voilà, mais c'est vrai que les librairies sont fermées, donc pour elles, c'est compliqué. Donc nous, enfin, les grands fans, ceux qui aiment leurs libraires, on est tous là en train d'attendre pour pouvoir faire nos achats. Certains utilisent aussi des librairies en ligne, comme par exemple, je pense à Excalibur Comics, qui, eux, font encore les livraisons, non? C'est ça, Jeff? Excalibur font les livraisons. On peut également parler de Attilan. Ouais. Qui fait des livraisons, qui a une offre promotionnelle, pas de frais de port pour plus de 60€ d'achat. Excalibur, je ne sais pas s'ils font des mangas également, mais Attilan font du manga. Tu peux trouver des mangas à Attilan. Donc voilà, les éditeurs ont fermé. Tous les éditeurs en France ont décidé d'arrêter, que ce soit comics ou manga, c'est bon. Ils ont repoussé toutes les sorties à des dates ultérieures. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer quand ils vont réouvrir. Est-ce qu'ils vont tout balancer d'un coup ou est-ce qu'ils vont essayer de faire des choses sur les mois, hein, je pense. Je pense malheureusement aussi qu'on va prendre énormément de retard du coup avec My Hero Academia. Putain, mais ouais. Je suis deg en fait. Pourquoi ? Ben, j'ai le troisième tome de Starlin sur le Thanos là, qui sortait en mai, mais si c'est tout décalé, je pourrais pas l'avoir. Je suis deg. Ben, peut-être que les sorties des mois où qui sera pas impacté par le Covid, ils vont ouais, sûrement ouais. leur sortie. Et ils vont peut-être ajouter des tomes entre les mois. Ouais, rajouter peut-être 3 ou 4 tomes de plus chaque mois. Ouais. C'est possible. Ça, c'est possible. Après, en parlant, on va vite fait parler outre-Atlantique avec les États-Unis. T'as IDW qui je crois qu'ils ont fermé leurs portes, ils mettent tout en pause. Donc, ils vont trier quelles séries ils vont garder ou pas. Donc, il y a certaines séries qui peuvent sauter alors qu'ils faisaient partie des previews. Tu as Diamonds qui a arrêté la distribution. Donc Diamonds qui faisait plus de 80 ou 90% de la distribution aux États-Unis, ils ont arrêté. Tu as DC qui a décidé de fermer une imprimerie. C'est la merde partout en fait. C'est vraiment ouais. une grosse merde. Et là-bas, attention à l'industrie des comics avec le nombre de comic shops qui ne sont plus, qui sont plus rien. Ils sont à sec, quoi. Ils vont arriver à sec et ça va être une catastrophe. Et ça va nous impacter aussi à nous, Nico, qui sommes lecteurs VO, parce qu'on va avoir moins de VO et on va avoir du retard sur certaines sorties. Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc, je pense avec toutes les sorties qui devaient se faire, normalement les sorties de, par exemple on est quoi, on est en mars, donc là avril, mai, selon comment ça se fait, par exemple toutes les sorties X-Men, enfin toutes les sorties des Mutants, donc les X-Men, New Mutants et compagnie qui devaient sortir en TPB, ça risque, tout ça ouais, risque d'être décalé par exemple, t'as raison. Donc pour nous c'est un peu handicapant. Diamonds distribue jusqu'au 1er avril. À partir, ouais. Donc ils distribuent jusqu'à la fin. Ils font 9 semaines et une fois que le 2-3 avril, ils arrêtent de distribuer. Et par contre, tous les éditeurs ou en tout cas Marvel et DC ont annoncé que les ICU pourront sortir en version numérique quoi qu'il arrive. Donc on ne pourra pas les trouver chez le libraire, mais on pourra les trouver. Sur leur site internet ou dans les gros distributeurs numériques. Ouais. Et c'est toujours ça, mais bon. C'est pas grand-chose. En France, on peut parler des éditeurs qui font l'effort de mettre quelques chapitres gratuitement. Je crois que c'est Bliss qui met plus de 400 pages de comics gratuitement sur, en ligne avec ben, justement du Bloodshot. On a Panini Comics qui ont décidé de faire un effort en mettant pas mal de numéros 1 à 1 euro. Ouais, 1 euro. Bon, on les a tellement critiqués que là on peut dire que c'est qu'ils ont fait un beau geste pour ceux qui sont enfermés. Et voilà quoi. Et les mangas, je sais pas comment ça se passe. Ils savent pas. J'avais eu l'occasion d'avoir une conversation avec iComics, avec le service presse de iComics, parce qu'ils m'ont envoyé un dernier comics avant le confinement. Le confinement commencé, je l'ai reçu. C'était donc le comics Chandra que j'ai lu, que j'ai fait la review sur l'autre podcast. Et j'ai discuté avec eux. Ils savent pas. Ils savent pas quoi faire. Et ils ont repoussé toutes les sorties. Ils vont voir après le Covid. Donc pareil, forcément. Pour les petits éditeurs et le reste, c'est dramatique tout ce qui se passe. Ouais. Ah ben c'est une vraie économie qui est mise en retard, qui est mise en attente. Pour le moment, on voit les résultats à court terme, mais les résultats à long terme, ça risque d'être une année assez catastrophique, quoi. Au point de vue chiffre, je pense qu'il y a des éditeurs qui risquent de fermer les portes. Quand tu vois qu'il y a certains éditeurs manga qui ont chié en France, bon, pas forcément les... oui, ceux qui ont fait Poupa, j'arrive jamais à les nommer. La maison d'édition Poupa, qui est une petite... enfin, qui ont sorti Poupa, est une petite maison d'édition, et eux, ils ont beaucoup de mal. Ils avaient beaucoup de mal avant le Covid, et là, maintenant, avec cette histoire de Covid, ça risque d'être catastrophique. Ah, j'ai prêté mes tomes de Poupa, donc je ne me rappelle plus la maison d'édition de Poupa. Ah, D'accord. Mais voilà, donc, comme dirait le Premier ministre britannique, préparez en terre et vos morts, quoi, hein, parce que il risque d'y avoir pas mal de choses qui vont disparaître, et puis voilà. Effectivement. Bon, sur ce, on va essayer de passer sur une news un peu plus agréable. T'en penses quoi, Adrien ? C'est une bonne idée. Allez. Eh ben, on va faire tout de suite la transition. Et donc, du coup, nouvelle catégorie, on va parler de Bleach, parce que il n'y a pas si longtemps, on a eu beaucoup de news dessus. Donc, c'était le moment de revenir un peu sur Bleach. Quelques petits rappels, hein. Donc, du coup, c'est Taite Kubo qui est le mangaka de Bleach, hein. Donc, il a fait 15 ans de parution sur le Wiki Challenge Jump, donc à partir de août 2001 jusqu'en août 2016. Donc, bah, Bleach, hein, ça a été il faisait partie des Big Three au Japon, hein, donc en association avec Naruto, One Piece, hein, donc ils étaient considérés comme les trois grands successeurs quand même de Dragon Ball. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Oui, c'est vrai que on peut parler de Bleach comme il faisait partie des Big Three, donc avec Naruto, voilà. One Piece et Bleach. Ouais. Donc voilà, donc à ce jour, c'est à environ 100 millions d'exemplaires de vendus. Une première adaptation, du coup, en 2004, durant 7 ans, donc par les studios Pierrot, je ne sais pas si on dit le T, mais... Donc, et puis, c'était arrêté avant le dernier arc, donc la guerre des... c'était quoi ? La guerre des 100 ans ? Non, je ne sais plus. Oui, c'était la guerre des 100 ans avec les Kensi contre les Shinigami. Voilà, c'est ça. Donc, ça s'était arrêté avant cette fin. Ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que du coup, après la fin du manga, donc, Taite Kubo a sorti un one-shot pour les 50 ans du Wiki Change Up qui s'appelle Burn the Witch, donc en 2018. Et enfin, donc, 20 ans après la sortie de Bleach, eh bien, il y a eu trois grandes annonces qui ont été faites lors du live du projet du 20e anniversaire de Bleach en mars dernier. Trois grandes nouvelles, parce que ça faisait longtemps qu'on attendait des news depuis presque justement 2018, où on avait eu le one-shot, plus de nouvelles. Donc, trois grosses infos. Donc, la première, c'est que cet été, normalement, il va y avoir la publication hebdomadaire donc dans le Wiki Shonen Jump de Burn the Witch, ainsi qu'en automne 2020, l'adaptation en animé de l'OAV de Burn the Witch, donc par les studios Colorido. Donc, c'est un studio différent de l'adaptation de Bleach de l'époque. Donc, voilà. Surprise, j'ai essayé de chercher quelques infos dessus, mais je n'ai pas vraiment trouvé. Deuxième grosse info, pour la première fois en exclu au Japon, l'exposition donc, du manga sur le manga Bleach en 2021, on n'a pas de mois ou de période précise, on sait que ça va être durant cette année-là. Alors, en 2021, moi j'aimerais bien que ça soit dans les alentours d'avril, ça m'arrangerait. Par tout hasard. Si quelqu'un m'écoute au niveau du Japon, en avril, ça serait très bien. Donc voilà, donc, c'est une première pour le manga. Ils avaient juste eu une mini-expo, mais c'était durant une exposition sur le Wiki Shonen Jump. Donc ils étaient apparus, mais c'était vraiment avec d'autres mangas, quoi. Donc là, c'est vraiment une expo exclue Bleach. Voilà, sûrement à Tokyo, hein, je pense. Je ne suis pas sûr de l'info, mais bon, les connaissants. Et enfin, là, l'info qu'on attendait tous depuis des années, c'est qu'on a officialisé l'adaptation en anime du dernier arc de Bleach. Alors hélas, on n'a pas de date précise encore. On n'a pas l'info sur la maison, sur le studio qui va le produire. Parce que le problème, enfin, la question qu'on se pose, c'est que voilà, le dernier anime de Tadakubo, donc Burn the Witch, est fait par les studios Colorido. Donc, est-ce qu'ils ont récupéré aussi l'adaptation du dernier arc de l'anime, ou est-ce que ça va être l'ancien studio Pierrot qui continue juste l'arc? On ne sait pas. Donc, ça, c'est un peu la question qui existe pour le moment. Bon, après, on n'a pas de date précise, du coup, pas d'année non plus pour l'adaptation, mais c'est officiel. Le projet est en route officiellement sur l'adaptation de Bleach à l'anime. Et apparemment, ADN serait déjà sur les droits pour pouvoir le diffuser en... Un simulcast, du coup. En simulcast. Oui, ça ne m'étonne pas, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes attendent quand même ces derniers arcs. Un arc qui a fait plusieurs sons de cloche, on va dire, par rapport à... Est-ce que c'est un bon arc ou un mauvais arc? C'est quoi, c'est les Kunshi? C'est ça, ouais. En fait, c'est le retour des Kunshi. C'est là où je vais arrêter. Voilà. Mais Adrie, c'est une catastrophe, cet arc. Je dirais que c'est une catastrophe quand même. Non, t'as des choses bien. On en avait discuté une fois où je t'avais dit ce qui est bien, c'est qu'on en apprend un peu plus sur la mère d'Ichigo. Ça, c'est très bien. C'est vrai qu'avec ce dernier arc, même s'il est long, j'avoue que le gros défaut de l'arc, c'est qu'il est très long. Ensuite, ce qui est quand même positif, c'est qu'on en apprend vraiment tout sur la palette en fait de Ichigo et sur ses origines. Donc, avec l'arc, c'est vrai, des Arakars, on a pu approfondir un peu les origines paternelles de Ichigo. Et là, avec celui-là, c'est vraiment tout ce qui est en relation avec sa mère et la vraie raison, entre guillemets, sans spoil, de sa mort. Voilà, sans spoil. C'est compliqué de spoiler quand le manga est sorti il y a 2 ans, quoi. Ouais, mais je n'étais pas au courant, moi. Ah, merde. Non, mais de toute façon, il y a un jour qu'il fallait que je les relise. Mais après, par contre, pour moi, en vrai, quand tu regardes un peu comment a tourné Bleach, le fait de refaire un truc sur les Quincy, c'était obligatoire. Quand tu regardes toute l'étendue de Bleach, tu regardais le tout début... où ben, du coup, tu avais Ichigo qui, donc, avec ses pouvoirs, qui après commençait à développer son masque de Holo. Tu avais à côté Chad et Inoue qui, eux, développaient des pouvoirs. Et tu étais en train de dire, tiens, c'est bizarre. Donc, tu arrives avec la fin, le combat des Shinigami, où il libère, du coup... j'ai oublié son nom. Aidez-moi. Qui ça? Rukia. Rukia, voilà. Ouais. Et donc tu arrives là, et après, juste après, ben, tu as l'étendue avec les Wizards et les Arlankar, parce que les Wizards sont comme Ichigo, vu que tu as le mystère de Ichigo qui avait un masque de Holo. Donc forcément, ils ont étendu là-dessus avec du coup d'autres Shinigami qui avaient des masques de Holo, et en même temps de l'autre côté des Holo qui étaient devenus un peu Shinigami. Puis après, tu avais justement ce système d'humains à pouvoir, et après aussi avec le cas du Shinigami remplaçant. Donc forcément, un des trucs qui était encore resté inconnu, c'était les Quincy. Donc pour boucler un peu le truc et tous les mystères et tous les trucs qu'il avait montrés, il fallait forcément qu'il en arrive. Oui. Puis surtout qu'en plus, on t'explique qu'il y a eu carrément un génocide. Genre, ils hésitaient. Ah oui. Il en restait, à notre connaissance, 2. Il y avait le père de... Ah merde. C'était le grand-père et le père, non? Non, oui, mes grands-pères est mort à cause d'un Shinigami, me semble, en plus, ou d'un lot, je ne sais plus. Mais merde, comment il s'appelait? Ishida. Donc voilà. Mais effectivement, l'histoire autour des holos, franchement, des Quincy, pardon, est cool quand même. Tu vois, même comment ils reviennent, qu'en fait, ils sont... Même leur cité, tout ça, franchement, moi je trouve que c'est pas mal. On en apprend même plus sur le roi des Shinigami, qu'on nous parle quand même depuis le début de Bleach, mais sans l'avoir vu, et avec sa garde armée. Sa garde armée, franchement, tout le passage de l'arc avec les Shinigami protecteurs du roi des Shinigami est cool. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Jeff. Oui, mais même l'histoire du Zanpakuto est cool. Ouais, grave. On découvre qui crée les Zanpakuto et franchement, c'est vraiment stylé, quoi. On voit qu'ils viennent pas de nulle part, quoi. tout a, en fait, ils ont vraiment établi tout un peu l'organigramme de la sous-société de A à Z. Je pense que grâce à cet arc, effectivement, il est long, mais tu as à peu près toutes les réponses que tu oses te poser sur le manga. Tu as les réponses dans cet arc-là. Pas toutes, mais franchement, parce qu'on pignaillerait, mais tu as quand même largement les réponses à laquelle tu peux te poser, ce qui est cool, quoi. Alors, moi, je vais pinailler, par contre. Il y a quelque chose que j'ai pas du tout aimé, c'est que, de temps en temps, tu passais 2-3 tomes sans voir Ichigo. Et pourtant, c'était celui-là qui était le plus intéressant à suivre. Ouais, mais oui, parce que c'est vrai que ça a été un défaut, et c'est vrai que ça peut être long, quoi. Je te dis, merde, je suis le héros principal, et en fait, on me donne du héros secondaire ou tertiaire à foison. Forcément, ça peut paraître bizarre. Alors, vite fait, on aussi... On peut même dire que c'est un défaut chez certains autres mangas où on n'a pas assez d'optimisation, ou en tout cas de vue sur les personnages secondaires, alors que là, ils en ont même trop fait. Presque. C'est ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Ou plus le découpage. Je pense qu'ils auraient pu faire autant, mais en découpant mieux, peut-être. Mais au moins avoir un demi-chapitre par tome sur Ichigo, ça aurait été pas mal. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois, par tome, si tu as quand même quelques chapitres sur l'avancée d'Ichigo, ça aurait été cool. Par contre, il y a quelque chose qui est bien, c'est que tu nous disais qu'ils vont faire donc le Burn of Witch, qui est le premier spin-off à Bleach. Ils vont faire le développer, ça c'est cool. Parce que quand on prend le Big Three, donc t'as Naruto qui a continué à évoluer avec Boruto. Non, One ça faut Piece. Pas le dire, ça n'existe pas ça. Oui, non, mais il faut le dire quand même. Ouais. Naruto continue via Boruto. Et One Piece continue. Alors tu sais quoi, moi je dis que c'est une très mauvaise chose, parce que du coup, l'auteur de Naruto, parce qu'il ne faut pas se louer d'illusion, c'est plus lui qui dessine Boruto. Hein. Et bien du coup, son manga, la Samurai 8, et bien il va l'arrêter. Voilà, 5 tomes, merci, au revoir, ciao. Ouais, c'est vrai. Ça, je l'ai appris. C'est abusé, quoi. Mais ça, c'est parce qu'il fonctionne mal au Japon, quoi. Ben ouais, mais parce que tout le monde préfère Boruto alors que c'est de la merde. Il aurait dit, ben voilà, Naruto, ça s'arrête comme Bleach, tu vois. Ils ont dit, ben voilà, c'est bon, Bleach, c'est fini. Bon, là, on vous remet un spin-off, mais quand tu regardes le spin-off, ça n'a rien à voir, en tout cas, avec Bleach en soi. C'est justement ça qui est intéressant, parce que quand tu prends la plupart des mangas qui ont évolué, tu as eu Dragon Ball qui a donné Dragon Ball Super, c'est ce que c'est, hein, mais bon, ça existe. Naruto qui a donné Boruto, ça aussi, hein, c'est ce que c'est, ça existe malheureusement. Et quand tu prends le cas de Bleach, ils ont décidé de faire un spin-off, sur un autre continent, parce que ça va se situer en Angleterre. C'est en Angleterre, à Londres. Ouais. C'est à Londres, ouais, ça se passe. C'est à Londres. Et j'espère, par contre, qu'il y aura peut-être... C'est des chemins, en plus. C'est même pas sur des Shinigami, en fait, parce que c'est... Tu as même, en fait, l'histoire, en gros, de Burn the Witch. En fait, c'est des sorcières qui combattent des dragons. Enfin, c'est vraiment un autre univers, mais dans le même univers que Bleach. C'est super intéressant. Et j'espère qu'il y aura peut-être des crossovers. Ça peut être cool. Ouais, il y en aura sûrement peut-être, ou des clins d'œil, tu vois, mais ça, c'est ce qu'on aime justement entre le spin-off et l'original. Mais ouais, non, franchement, l'histoire de... quand j'ai appris que Samurai 8 allait être arrêté, je me suis dit, bon, ben voilà, il compare les chiffres entre Boruto et Samurai 8, ils lui ont demandé de faire un choix, et le choix, il a été vite fait, quoi, voilà. C'est dommage. Juste ce sens, c'est con. Parce que forcément, tu peux pas comparer un truc qui vient de sortir avec un truc qui est la suite d'un truc ultra connu. Et c'est ça. Forcément que ça ne fonctionnera jamais, quoi. C'est ça. C'est ultra dommage. Franchement, après, c'est les choix japonais aussi. On sait que ça fonctionne. C'est ultra dur. C'est sûr. De toute façon, c'est comme tout. C'est comme les comics. Hein. Les issues, il y en a qui ne se vendent pas. Au bout d'un moment, si trois issues d'affilée ne se vendent pas, ils vont dire, bon, mec, t'arrêtes. Et puis voilà, quoi. Je suis persuadé, tu vois, que Samurai 8, il aurait eu une autre, peut-être un autre futur si Boruto n'était pas là. J'en suis persuadé. Ah ben déjà, parce que c'était son nom, mais forcément, les gens allaient se lancer dessus. Mais vu que là, il y avait ça et Boruto, les gens ont dit, bon, on va prendre Boruto. Alors qu'apparemment, c'est vraiment de la merde. Je sais pas, j'ai regardé l'anime et je sais pas, j'ai pas supporté. Non, mais voilà, sur les chapitres, les derniers chapitres, apparemment, ça part vraiment... ça va loin, quoi. Ça va loin. Je n'ai pas lu parce que ça ne m'intéresse pas trop. Mais non, bon. Je ne sais plus à combien d'épisodes j'ai vu de Boruto. Honnêtement, je m'attendais à pire. Je ne trouve pas ça si... C'est ultra classique, quoi. Ça n'a pas... Oui, là-dessus, tu as totalement raison. C'est ultra classique. Il n'y a rien de révolutionnaire dans tout ça, hein. Boruto, j'en suis où? Je sais pas, je vais regarder aussi. On a le même réflexe. Honnêtement, l'anime Boruto, je l'ai quasiment pas regardé. Et je l'ai lu en scan un petit peu. Et quand ils ont sorti les sabres laser et tout, je me suis dit. What the fuck? Des sabres laser? Oui, non, mais maintenant ils font des sabres avec le chakra, tu vois. C'est, t'as le manche, tu vois, et t'as le chakra dans le manche. Et ça fait des sabres laser, tu vois. C'est beau. C'est waouh. Alors, moi, au niveau de Boruto, j'étais à l'épisode 44. C'est le dernier épisode que j'ai vu. Et on n'arrivait pas encore au niveau du film. Parce que bon, pour ceux qui avaient vu le film Boruto, l'animé commence bien, bien, bien avant. Et c'est vrai que ça m'avait un peu perturbé, ça, mais... Honnêtement, ça passe. C'est pas super bien. Depuis, j'ai vu d'autres animés bien plus intéressants que Boruto, mais voilà, c'est pas. Ah, mais dis-toi, ça part vraiment en cacahuète plus tard quand justement, niveau scan, c'est bien après les films, tu vois. Et franchement, apparemment, je me suis. Enfin, c'est Maxime. Hein, bon, vous le connaissez pas trop, c'est un ami proche. Qui lit et qui vraiment m'a dit mais c'est bon j'arrête de lire quoi. Ça part trop loin par voilà déjà donc, Naruto se partait loin quoi oui tu ouais mais dans un autre sens tu vois ça restait sur une même logique tu vois enfin ils essayaient tu vois le chakra tout ça les démons ouais. Bon, tu pouvais te dire ok mais là apparemment ça va dans un autre sens complètement what the fuck bon après ça fait vendre donc c'est que ça marche c'est que c'est bien. À mon avis, tu sais pourquoi Boruto fonctionne ? Parce qu'on est tous, ils nous tardent tout. Enfin, moi, quand j'ai regardé l'animé, je m'en foutais de l'aventure de Boruto. Je voulais croiser Naruto, Sasuke. Et ceux que tu voyais dans Naruto, je voulais les recroiser dans Boruto et voir qu'est-ce qu'ils sont devenus. C'est pour ça que Boruto fonctionne. Ah, mais c'est ça. Mais je suis persuadé que ça aussi. Hein, parce que c'est vrai que moi, quand je regardais, je t'ai... Bon, OK, il est mignon, Boruto, mais quand c'est qu'il y a Naruto qui raboule, tu vois. Enfin bref. Bon, à la base, on parlait de Bleach, pas de Naruto. Ouais, c'est pas faux, mais bon, on part toujours en couille. D'où l'idée de débat. Mais bon, on va terminer sur Bleach, hein. Il y a pas de problème là-dessus. Bon, je suis emballé. Quand ça va sortir l'animé, du coup, est-ce que vous pensez. Moi, je vois bien peut-être 2021, en mi-2021, ou peut-être fin 2021. Parce que s'ils n'ont pas mis de date, c'est que ça doit être un process. Alors, je ne sais pas. Alors, moi, j'ai une idée. Ça va sortir quelques semaines après l'exposition, avant la première une de l'exposition. Ça se fait une grosse pub, hein, franchement, que pendant l'expo, il y a l'animé qui débarque. T'as tout compris. Ça serait un gros coup. Hein. Moi, je pense que c'est pour ça que je mise aussi sur 2021. Parce qu'on n'a pas de date pour l'expo, mais est-ce qu'ils vont faire justement un truc genre mettre l'expo et après l'expo mettre l'anime ou en même temps ? C'est possible. Et je pense qu'ils vont d'abord sortir l'exposition et faire une grande première de l'exposition avec une diffusion du trailer qui va nous l'annoncer pour peut-être un ou deux mois après. Ouais. C'est bien possible. Mais voilà, en tout cas, moi, il me tarde vraiment l'anime, franchement. Il me tarde vraiment la fin de l'arc. Enfin, le dernier arc. Et voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Jeff. J'ai jamais suivi les animés des Big Three. J'ai jamais suivi l'animé de Naruto. Peut-être pour ça que j'ai voulu essayer de me mettre à Boruto. J'ai jamais suivi One Piece et j'ai jamais suivi Bleach et ouais je pense que je me ferais peut-être un plaisir de regarder l'anime de Bleach quand il sortira comme ça. dès le début du nouvel arc, parce que moi, je les ai relus il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'y suis prêt. Ok. Et toi, Nico, est-ce que ça te donnera peut-être envie, vu que tu t'es arrêté à cet arc-là, de le regarder plutôt que le lire ? Oh, ça me donnera même envie de, sans doute de le racheter déjà de base. Donc, mais ouais, ça pourra me. De toute façon, c'est là où je me suis arrêté. Donc le début, je me souviens un tout petit peu. Donc ouais, ça me donnera envie. Ouais. Contrairement à Jeff, moi, bon, Naruto, j'ai pas vu la fin des Shippuden, mais j'avais vachement suivi. Côté Bleach, ouais, et à chaque fois que j'ai une dépression, je remate juste au niveau de l'anime le combat Ichigo contre Byakuya pour sauver Rukia, qui est juste magistral. Avec ouais. En fond, la musique number one et tout, qui te donne envie. Donc, non, ouais, moi, je pense que je m'y mettrai, ouais. C'est de grandes chances. Peut-être déjà avant, rattraper ou revoir les Bleach en animé, un peu. Mais sinon, ouais. Bon, déjà, je suis sur One Piece en ce moment, c'est un peu la galère, donc ça attendra aussi pour Bleach, quoi. Ouais, de toute façon, One Piece, c'est toujours la galère, hein, musique. Oui. Enfin voilà, tu te dis. En fait, le truc, c'est que quand tu veux te lancer dans One Piece, tu te dis bon, ok, j'ai presque 100 tomes de retard, j'ai 900 épisodes à mater. Ah, mais c'est ça, là. C'est, c'est compliqué. Eh, hey, confinement, c'est le bon moment, les gars. C'est le bon moment, c'est ce que j'allais te dire. On est en confinement, il faut en profiter. Ah, mais justement, c'est le confinement et c'est là où j'arrive à le moins regarder de One Piece. Je regarde un peu de tout et pas que du One Piece, alors que de base, sinon, je devrais pas le dire, mais bon, j'ai les matins en bossant, quoi. Parce que j'arrive à faire deux choses à la fois, mais chez moi, j'ai pas envie de faire toujours le même truc, donc ça change. Ouais, ouais. Bon, bah sur ce, on va passer sur la dernière partie. Ouais. Oui. Voilà. Et nous voilà de retour pour cette dernière partie d'émission où on va parler de quelque chose qui est devenu réel. Parce qu'il y a beaucoup, il y a quelques semaines, quelques mois, on plaisantait en disant « Et si vous êtes piégé sur une île déserte, quel type de lecture vous voudriez avoir ? Quelle série, quel film et le reste ?» Eh bien écoutez, les gens, aujourd'hui c'est réel ce genre de choses. Ce genre de choses se passe réellement. Donc, Nico, toi qui es confiné, quel est ton type de... Vous l'êtes tous, les gars. C'est quoi cette phrase ? Vous l'êtes tous confinés. Sinon, si vous n'êtes pas confinés, les gars, c'est pas bien. Voilà. Sinon, alors, mes lectures, c'est vrai que j'ai eu un gros rattrapage côté manga. Parce qu'en fait, côté comics, j'avais quasiment déjà niqué toute ma pile à lire avant le confinement. Donc, j'ai rattrapé, par exemple, Kingdom, où j'en suis arrivé jusqu'au tome 9, à peu près. Les Berserk. Je crois que tu m'as rattrapé sur Kingdom, mec. J'allais à lire et c'est vrai que j'ai un peu stoppé Kingdom à lire et je crois que tu m'as rattrapé. Kingdom qui est toujours aussi bien, franchement, moi, je surkiffe. Ah ouais, c'est vraiment bien. Vraiment que je m'y remette. Ouais. Après, Kingdom, est-ce que tu peux le résumer Kingdom vite fait, Nico, pour ceux qui ne connaissent pas Kingdom, ouais. Alors, c'est l'histoire de... Oh putain, il faut que je me souvienne du nom. En fait, c'est l'histoire de c'est Chine. C'est quoi, Chine, en fait. Ouais. Voilà, c'est Chine qui est un jeune orphelin de guerre qui vit avec son meilleur ami dans un village, dans un petit village en Chine. Parce que toute l'histoire se passe en Chine, en fait. Et c'est pas Chine le héros, hein, c'est la Chine le pays. Ouais, oh mon Dieu. Pardon. Et donc, pour reprendre Adri, le speech de base, en fait, c'est que. Et avec son meilleur ami, ils sont plus ou moins presque esclaves. Ils ont été repris par des gens qui sont fermiers et tout, donc ils travaillent souvent. En fait, ils ont été récupérés par le chef du petit village parce que leurs parents sont morts à la guerre, en fait. Et du coup, vu que c'est des orphelins, bah, le chef a été obligé de les récupérer et de les nourrir, sauf qu'ils s'en servent plus d'esclaves qu'autre chose, en fait. Ouais. Et la particularité des deux amis, c'est qu'ils passent leur temps à se battre. Et au maniement de l'épée, ils utilisent des bâtons, ils se battent tout le temps. Et les deux sont super forts parce que je crois que... Alors, je ne sais plus, soit ils sont à égalité tout le temps ou c'est le meilleur ami qui mène, je ne sais plus. Je crois qu'ils sont à égalité où il y a toujours un point de plus pour le meilleur ami. Je crois qu'il y a un truc comme ça, ouais. Il y a un truc ils comme se ça, suivent, ouais. En fait. Ils sont toujours à une victoire près. Et en fait, donc, arrive les débuts du truc où on entend un seigneur local, un truc comme ça, qui passe, qui voit le meilleur ami qui se bat avec Shin, il se dit, tiens, enfin, ça se comprend tous, il est doué, donc il le prend pour le servir, qui en fait va servir l'empereur. Et ce qu'on apprend plus tard, c'est que ben, en fait, ce meilleur ami, on peut spoiler le tome 1 quand même, on est au tome 30 ou 40. Au moins pour le truc en fait. Voilà, et donc en fait, le meilleur ami a été pris parce qu'il est le portrait craché de l'empereur, et en fait, le truc qui se passe, c'est que l'empereur en question est un gosse. Et dans la cour, il y a un retournement de situation parce que... Il y a un coup d'État, en fait. Ils veulent évincer et tuer, en fait, ce jeune empereur pour pouvoir prendre la tête de l'empire tout entier. Et parce qu'en fait, l'empereur a un autre frère qui est censé être plus légitime, mais qui est du coup plus jeune que l'empereur actuel. Et donc, ça commence comme ça. Et en fait, le meilleur ami qui devait jouer le double de l'empereur se fait tuer. Et Shin rencontre, lui, réellement le vrai empereur qui doit sauver et tout ça. Et donc, après, il commence à le servir. Et petit à petit, on le voit donc montrer ses aptitudes au combat, ses aptitudes après à la... Moi, où j'en suis, il fait sa première bataille, sa première guerre. Donc, ses aptitudes à la guerre. Donc, le début... J'en suis pareil à sa première guerre, en fait, à son premier bataille. Et donc, pour résumer, par exemple, ce que j'ai kiffé, le début où on découvre Shin et tout, c'est vraiment génial. Mais alors là où j'ai pris des grosses claques, c'est sur les derniers tomes, justement, où il fait sa première bataille. Parce sur que les tactiques de guerre, c'est, non ? Ouais, c'est ça, les tactiques de guerre, où chaque début de chapitre, ou tous les deux chapitres, t'as un plan du champ de bataille en disant « eux, ils sont là, eux, ils sont là, eux, ils sont là » pour que tu comprennes toutes les tactiques. Vraiment, c'est vraiment bien fait, C'est vraiment ouf. Donc, Kingdom, c'est hyper immersif en fait. Ce rappel des tactiques de guerre et justement de ces schémas qui sont présents dans les tomes, c'est super immersif et tu te rends compte tout le temps de là où tu es, de là où est tel personnage et tout. Et rien n'est laissé au hasard. Et graphiquement, même les scènes de grandes batailles, là, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. C'est génial. Et après, donc, les autres lectures que j'ai faites, Berserk, que j'ai en 13. Parce que effectivement, je pense que c'est pas à peine de dire que c'est génial parce qu'Adri le dit tout le temps, donc est-ce qu'avec Aurélien, donc notre libraire Aurélien, on t'avait pas dit qu'il fallait absolument que tu prennes le tome 13 si tu t'allais chialer. Effectivement. On avait sorti tous les deux le même argument en même pas 5 minutes. Donc, après, les autres lectures que j'ai eues, c'est les 3 tomes de Muséum, qui est donc du coup en 3 tomes, c'est toute la série. Qui est génial. Alors, j'ai eu un regret dessus, c'est que, en fait, pour moi, l'éditeur aurait dû essayer de faire ça en 2 tomes, parce que sur la fin du 2e tome, on a un chapitre bonus d'un dessinateur scénariste qui avait gagné un concours. Et le chapitre 3, pareil, c'est une mini-série qui a en plus. Donc, au final, en fait, je pense que s'ils avaient peut-être monté le prix des mangas, mais fait ça en 2 tomes complets, ça aurait été plus sympa, mais l'histoire est vraiment bien, où on a donc un enquêteur qui suit donc un tueur, qui semble être un tueur en série. Et en fait, là où il commence à péter les plombs, c'est que le tueur en série, en fait, tue les jurés qui ont condamné un ancien tueur, qui l'ont accusé coupable. Et donc, parmi le jury qui était là-dedans, il y a la femme de l'enquêteur, donc il y a pas mal d'intrigues là-dessus. Puis le tueur et tout. Et le mec, c'est un peu Sherlock Holmes parce qu'il arrive à des conclusions, des fois, tellement tirées par les cheveux et ça marche. Mais c'est vraiment pas mal. Alors, un des trucs qu'on m'a dit, je sais pas si c'était vrai, mais la plupart des meurtres qui ont du coup été décrits dans le manga sont des vrais meurtres qui ont été faits. Et donc, il y a des trucs horribles comme le fait de se faire bouffer par des chiens ou il y a de tout. C'est un ça. Ouais. Non, mais par exemple, un des meurtres qu'il y a eu, c'est un mec qui a été un peu près dépecé. Le tueur lui a découpé la peau. Et mettait on fait un certain nombre de kilos, il me semble. De kilos pour qu'en fait il refasse son poids de naissance, un truc comme ça. Et ce qui est sympa, le tueur tue, mais tout le temps d'une façon précise par rapport au péché à peu près que les mecs que le mec a. Par exemple, le mec qui se fait un peu dépecer là, apparemment c'était un gros enculé avec sa mère, il faisait rien de sa vie et tout. Donc du coup, il a pris le poids de naissance en disant on a retiré ça pour ta mère et tout parce que t'étais une merde. Donc il y a à chaque fois une thématique dans les meurtres aussi qui est vraiment vraiment cherchée, qui est vraiment géniale et c'est intriguant. Je te coupe vite fait sur Muséum parce que je l'ai lu. Je suis du même avis que toi. Par contre, je l'ai lu sur un grand format qui était en 2 tomes. Je me disais, est-ce que la version collector qui a en 2 tomes n'est pas plus facile à lire, du coup, justement ? Je pense que oui, alors. Je trouve que oui, et graphiquement, vu que c'est du grand format, tu peux vraiment apprécier les dessins. Tu arrives quasiment sur un format de Shonen Jump. Tu vois Jump, les cubes quoi. De chair. Oui, bon, d'accord. Mais oui, oui. Ok. Après, dans les autres lectures que j'ai eues, j'ai lu Nine, qui est un super manga qui se passe donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Où en fait, c'est soit au tout début de la Seconde Guerre mondiale, voire même avant que ça commence, où on suit donc un personnage qui s'appelle Nine, je ne sais pas trop, je parle pas allemand. Mais l'intrigue de base, c'est qu'en fait, on a pris donc, l'ADN, le sperme d'Hitler, pour lui créer des enfants parce qu'il n'arrivait pas à en avoir. Et donc, on lui a créé 12 enfants, il me semble. Et donc, le truc de base, c'est qu'au final, il y a un enfant qui se trouve être exceptionnel et donc, ils doivent crever les autres. Et donc, on a Nine qui fait partie de cette progéniture cachée d'Hitler qui fait tout pour rester en vie et tout ça. Et c'est vraiment bien. Alors que ce soit déjà l'ambiance Seconde Guerre mondiale, le côté nazi et tout, on croise beaucoup de personnalités. Même après, donc, sur le mystère qu'il y a, parce que je ne dévoile pas trop non plus des trucs, mais il y a pas mal d'intrigues, pas mal de choses. Donc, c'est vraiment bien. Et récemment, le dernier truc que j'ai lu, c'est les deux premiers tomes de Beastar. Ah. Et là aussi... Là aussi, c'est génial. Star, hein. J'ai que les deux premiers tomes, moi aussi, mais putain, il me tarde à la suite. Ouais. On part déjà, rien que les premières pages, en fait, on part sur un truc, on est dans une société où donc, les animaux, parce que tous les personnages sont des animaux vivant ensemble, donc il y a les herbivores et les carnivores. Et les premières pages du truc, en fait, tout se passe dans une école, et un des carnivores de l'école, en fait, a tué un de ses potes herbivores et personne ne sait qui est le tueur. Donc, dès le début, on voit toute l'intrigue et toute l'appréhension qu'il y a entre les herbivores et les carnivores, ou les herbivores diront les carnivores, vous n'avez rien à faire là. Je sais pas toi, mais à Zootopia. Zootopia, oui. Ça me fait penser à ça. Ça, ouais. Mais après, alors, le truc qui est marrant, donc, où ça part vraiment sur les clichés, par exemple, entre herbivores, carnivores, c'est que ce truc, c'est presque comme nous maintenant, on part sur les clichés. Ouais. Entre des fois, nous, on sort des clichés sur les Chinois, sur les Arabes, ou des trucs comme ça, surtout. Et là, c'est des clichés sur tout et n'importe quoi, sur les lapins, sur les loups, se dire, ah, mais toi, tu fais ça, mais toi, t'es comme ça, alors vous devez être comme ça, tous, et tout. Parce que c'est des clichés des animaux, ouais, c'est bien. C'est ça. C'est vachement, en fait. Ça te rappelle vachement notre société, en fait. C'est ça. C'est utilisé à travers les animaux, mais c'est vraiment comme nous. Et le truc qui est énorme, c'est le personnage principal qui est donc un loup gris, donc carnivore super puissant, mais qui est en fait complètement passif. Et donc, il y a un autre personnage qui est très important, qui est Louis, le grand cerf, qui est le chef de la troupe de théâtre, qui gère tout le truc. Et lui, c'est le mec génial. Et alors, il y a une intrigue aussi qui, apparemment, il veut être le Beastar. Donc, le terme de Beastar, c'est censé être un truc super important dans le manga, mais pour le moment, moi où j'en suis, on n'a pas réellement découvert ce que c'était. Et donc, Louis perçoit assez bizarrement, par exemple, donc c'est quoi Legoshi, le loup gris, parce qu'en fait, Legoshi est gentil, il est passif, alors qu'en fait, c'est un carnivore avec une force géniale, mais il l'utilise pas vraiment. Et il y a aussi un passage qu'il y a dans le premier tome, où à un moment, en fait, il est censé faire le guet pour quelque chose, et il voit quelqu'un, il sent un herbivore qui arrive, et il sait pas trop pourquoi, il lui saute dessus, il la prend contre lui. Et heureusement, il y a un truc qui le fait lâcher parce qu'en fait, son instinct de carnivore commence à remonter. Et pour lui, c'est quelque chose qui n'est pas normal parce qu'il a toujours refoulé ça. Donc, il y a énormément de choses, énormément d'intrigues et de sujets là-dedans qui fait que c'est un super manga. Ouais. Et du coup, j'hésite à regarder l'animé qui est sur Netflix. J'hésitais aussi. J'ai demandé à un pote. Putain, j'ai bien envie de continuer le bouquin pour voir jusqu'où... Enfin... pour pas me le baiser en animé, donc je sais pas trop Moi j'ai demandé à un pote à moi qui a vu l'animé, il m'a dit déjà par exemple l'animé, les dessins et tout, les graphismes sont super beaux, c'est génial. Ouais. Et par contre il m'a dit que c'est après la scène de théâtre qu'on voit dans le tome 2, donc je me suis dit ça continue encore après, donc je me suis dit je vais plutôt rattraper d'abord vite fait le manga avant de... Je pense que je vais faire pareil. Je vais finir les quelques tomes qui manquent pour l'animé et regarder l'animé d'après. Mais j'ai vu la bande-annonce de l'animé et c'est vrai que ça a l'air super bien. Les musiques ont l'air bien choisies. Franchement, ça donne vraiment envie. Ouais. Donc voilà sur ce que j'ai lu actuellement. Adéry ? En cette période de confinement, je lis assez peu alors que je devrais plus lire. Mais j'ai fait un gros rattrapage sur deux gros mangas quand même. Sur le premier, c'est... sur Promised Neverland, où j'ai fini mon tome 12, je crois. Oui, c'était le coffret collector, le 12, le dernier que j'avais pu acheter à l'époque, avant le confinement. Et on est presque au même niveau. Ouais, t'as fini le 9, je crois, non? Ou, la ferme, j'en suis. J'ai les deux coffrets jusqu'au 6, donc fermez-la, vous allez lire dans les prochains jours. Oh merde! Ah. Bon, alors je vais pas spoil, mais franchement, c'est énorme. Franchement, les rebondissements, les. Comment? Je trouve que le 9e tome est génial. Il faudrait qu'on puisse en parler plus en détail, Adrien. Ouais, carrément. T'as Nico, tu fais chier. Bon, bah, du coup, on va pas trop spoil ce qui se passe dans les derniers tomes. Mais sinon, on peut faire un truc simple. J'enlève mon casque et vous m'envoyez un message que vous avez fini d'en parler. Ah, mais on plaisante. Non, t'inquiète pas. On n'allait pas spoil les autres qui peuvent écouter et qui sont pas à jour non plus. Parce que le tome 12 est sorti il y a quand même un petit moment. Mais non, franchement, j'ai adoré. C'est toujours aussi bien dessiné. L'avancée est super top. Et puis... tu te rends compte qu'il y a vraiment un énorme projet derrière ce qui, au début, paraissait tout simple. Donc, non. Et toi, le tome 9, ça s'arrêtait où, du coup, Jeff? Non, on va pas parler parce que je trouve que le 8 et le 9 a tellement développé la chose que si j'en parle, ça serait du gâchis pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, il va y avoir des fuites. Mais en tout cas, c'est toujours aussi bon. Et ça fait plaisir à lire, même graphiquement, c'est vraiment hyper, hyper beau, hyper bien fait. J'adore les traits du dessinateur. Et ensuite, le deuxième gros rattrapage que j'ai fait, c'est sur Rikudo. Ça, c'est donc le manga de Box que je lis, qui est un pur seinen. C'est vraiment ouf, surtout sur les derniers chapitres où en gros... Bon, vous n'avez pas lu, vous, mais je vous le conseille vraiment, c'est une pure tuerie. Malgré le fait que ce soit sur la box, là, ils ont vraiment insisté sur l'histoire, en fait, des pères et de la famille des deux boxeurs qui vont se rencontrer à la fin. Donc, c'est vraiment excellent, ce rapport qu'il y a les deux boxeurs. En plus, c'est des vrais rivaux entre les deux. Enfin, plus ou moins. Donc, franchement, excellent. Je me suis régalé. Donc, voilà, c'est les deux gros mangas que j'ai lus. Voilà. Pour ma part. Alors, moi, point de vue, je profite du confinement. Alors, non, j'en profite pas vraiment parce que sinon, j'entends ma femme gueuler. Je veux pas trop lire parce que je suis un acheteur compulsif. Et plus je lis, plus je vois ma pile descendre et moins je me sens bien. Donc du coup j'essaye de lire un peu tous les soirs comme ça, mais sans trop en profiter parce que sinon j'attrape mon téléphone et j'attrape des séries. Depuis le confinement j'ai rattrapé un peu mon retard au niveau de certains mangas. Je suis à jour sur Otaku que j'apprécie énormément. Au final on peut croire que c'est juste des one shot, qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur. En fait si, il y en a un. Je trouve ça toujours aussi drôle et franchement ce que je peux voir dans le manga me fait penser à des choses que j'ai avec ma femme. J'ai rattrapé Demon Slayer. Enfin, je suis au tome 4, c'est pas mal, il m'en reste plus que 2. Ah oui, voilà, ça va. Tome 4, ah ouais, je vois. Donc là t'es dans la forêt déjà. Ouais, j'ai dépassé la forêt. Par contre, il y a quelque chose qui m'a perturbé avec ce manga, c'est la rapidité des événements. Tu passes d'un moment à un autre et je trouve ça ultra rapide. En tant que shonen, tu vois, j'aurais bien voulu voir l'épreuve dans la forêt avec plus de détails. Quand il passe son épreuve de Demon Slayer, j'aurais bien voulu avoir le détail de l'épreuve au lieu que se passe en deux chapitres, c'est terminé. Tu parles de ce truc. Non, mais tu vas chialer pour le reste du manga alors. C'est trop rapide, surtout quand tu vois là 18 tomes où ça arrive déjà vers la fin. Les trois quarts du temps, il prend pas totalement le temps de tout détailler. C'est bien dommage. Ouais. Et j'en ai parlé sur l'Irambule et ça me choque. C'est bien. Hein. Attention, c'est un excellent manga. Hein. Là-dessus, j'aime le scénario. J'aime l'histoire parce que bon, c'est quasiment un Japon à l'aube de la Première Guerre mondiale. Donc, ça change un peu d'un Japon médiéval. Et je trouve ça va ça va super vite, ça va trop vite. Donc voilà, je suis curieux. Ouais, c'est un manga qui va assez vite à travers ses tomes et ses arcs. C'est des arcs assez, assez... En fait, c'est rythmé, mais c'est vrai que c'est assez court, entre guillemets. Ouais, c'est assez court. Donc là, de toute manière, j'ai les deux derniers tomes. Comment ? J'ai les deux derniers tomes. J'ai le tome 5 et 6. Je vais voir ce que ça va donner. Oui, mais tu verras, ça va être cool. Le tome 5, là, il est cher. Donc après, j'ai continué donc, sur Promise Neverland avec le tome 8 et 9. J'ai lu Chandra, qui est le dernier comic sorti de chez iComics, quasiment pour la date de mon anniversaire, ou non, un peu plus tard, il est sorti. C'était entre celui de Nico et le mien, où j'ai bien aimé. Je ne connais pas l'univers de Magic, après, ça m'a un peu perturbé. J'aime généralement les comics à grosse licence comme Star Trek, comme Star Wars, comme James Bond, j'aime en lire, comme D&D aussi d'ailleurs. Et Magic, c'était ma première fois en fait, je ne connaissais pas du tout. Je pense que ça t'aurait plus plu à toi, Nico. Nico. Voilà, on a perdu. Ah, on a perdu Nico. Tout va bien. Et sinon, Adrien, toi, t'as essayé de jouer à Magic ou pas ? T'es peut-être un peu plus habitué que moi ? Magic, je dois t'avouer que j'y ai fait peut-être une ou deux parties d'initiative vite fait. Mais il y a longtemps. Et donc, du coup, normalement, j'étais un joueur de Yu-Gi-Oh, moi. Ouais. Donc, non, c'est vrai que ça m'a assez perturbé. Je suis toujours, d'ailleurs. Tu sais qu'il m'arrive à faire des parties... J'ai ressorti mes vieux decks de Yu-Gi-Oh! Et j'ai parti maintenant avec des potes. Marrant de se remettre un peu là-dedans. Nico, toi qui es... Je pense que... Parce que bon, tu avais disparu. Je pense que Chandra, tu es un comics un peu plus fait pour toi. Je ne connais pas trop l'univers quand même de Magic. J'ai joué un peu, mais l'univers, il y a un super univers étendu sur Magic. Il y a énormément d'histoires et tout, mais j'ai jamais trop suivi, moi, perso. D'accord. Bon, ben, moi, c'était ma première découverte. J'ai trouvé ça assez déconcertant parce qu'au final, tu t'attaques un comics d'une licence et tu dis, je connais rien à l'univers, quoi. Ah oui, mais ça... J'ai pas de recul, en fait. Et je sens qu'il s'est passé des choses avant le comics. Où là, c'est comme un mec qui va lire un livre de Warcraft comme ça, en plein milieu, sans savoir tout ce qui se passe autour, quoi. Ouais, c'est assez déroutant, quoi. C'est ça. Donc après j'ai rattrapé des comics en VO. J'ai lu du Betty Veronica, donc c'est les héroïnes de Riverdale, de Archie. Ah, d'abord oui, de Archie. Bien. Alors parce que c'est vrai que j'aime bien l'univers Riverdale. Alors j'ai jamais lu, moi je regarde un peu la série, mais je me suis toujours demandé ce que donnaient les comics du coup de Riverdale, enfin de Archie. Ça n'a rien à voir. Honnêtement, tu peux pas comparer parce que Riverdale est un univers un peu plus mature que celui de Archie. D'accord. Ah ouais. Ouais. Archie, c'est plutôt des histoires d'adolescents, typiquement. Il y a pas d'histoire de meurtre, il y a pas d'histoire de drogue, il y a pas d'histoire de monde. Ah ouais, je pensais. Ok, d'accord. Donc voilà. Après Betty et Véronica, tu peux le trouver en français chez Glénat pour 12 ou 15 euros. Les dessins sont bien, le scénario est assez basique, l'intrigue avance assez vite. C'est sur 3 chapitres et honnêtement, j'ai bien aimé. Je ne m'attendais pas à grand-chose, honnêtement, mais ça va. J'ai beaucoup aimé. Et là, après, j'ai eu du Star Trek qui m'a donné une grosse claque dans la gueule parce que c'était un gros crossover. Et en ce moment, je suis en train de lire du K.D. Anderson. Donc ça se passe et ça fait partie de l'univers de Just Red et on suit le K.D. Anderson, enfin la cadette Anderson avant qu'elle devienne juge et où elle développe ses pouvoirs de psy et c'est bien crade. Ouais, tu sens très bien le 2000 AD de la bonne vieille époque qui est bien crade, bien gore. C'est un univers que j'adore. Franchement, ça fait bien plaisir de lire des comics comme ça. Et puis après, je vais essayer Arline, qui était sorti en VO chez le label Black Label de chez DC, qui va bientôt sortir en VF. Ok. Et moi, je vais revenir sur une de mes dernières lectures où j'ai failli pleurer de joie en le voyant. Ben, c'est le dernier chapitre de Berserk qui est sorti, enfin. Voilà, ça faisait un an qu'on n'avait pas eu de chapitre de Berserk de sortie. Bah, parle pas de ce dernier chapitre, s'il te plaît. Parce que je me suis dit comme ça, tiens, j'ai envie de voir les graphiques commencer. Tu parles les premières pages, quand j'ai vu ce que j'ai vu, je me suis dit, putain, je me suis spoilé par rapport à tout ce qui se passe avec le tome 13. Ah oui, oui, bah ouais. Ben voilà, c'est juste ouf. Voilà, on l'a eu mi-mars et le dernier chapitre d'avant, on l'avait eu qu'au mois d'avril de l'année d'avant. Donc, autant vous dire que quand j'ai vu qu'il y avait un chapitre de Berserk qui était sorti, j'ai une lueur d'espoir pour un prochain, pour peut-être un autre tome. Un tome qui sortira dans 5 ans. Voilà. donc voilà. Bon, je pense que là, on a terminé, on a tout dit. C'était une grosse émission. Et ouais. Que je n'aurais cru au départ. Ça fait plaisir quand même de retourner tous ensemble comme ça. Ça a fait un grand plaisir d'être autour d'un micro avec vous. Voilà. Ouais. Ça me faisait chier de streamer seul sur Twitch et de faire des déambules. Parce que pour ceux qui ne le savent pas et qui ne nous suivent pas sur les réseaux sociaux, on a sorti dernièrement un Twitch qui nous permettra sur le long terme à faire des lives quand le confinement sera terminé. Mais pour l'entretenir, Adrien va bientôt se lancer sur des streams, enfin j'espère. Et puis moi, je stream sur des jeux de management. Moi, je vais me lancer un stream sur du Witcher 3 et sur du Destiny aussi. Voilà. Oulala. Sur du Destiny avec les autres. Ça va être drôle d'entendre ça quand même. Ah oui. Nico, si un jour tu as envie d'avoir les codes pour streamer, n'hésite pas. Je te les fournirai. Hein. C'est bon. Ouais, c'est bon. J'attends juste d'avoir la fibre, ce qui va être encore plus retardé à cause du confinement. Mais dès que j'ai la fibre, moi aussi, de base, j'ai envie de stream depuis des années déjà. Donc, il n'y a pas de souci. Donc de l'autre côté, vous pouvez nous retrouver, enfin me retrouver plus régulièrement sur le podcast L'Irambule où je continue les reviews. Là aussi, si vous voulez participer les gars, n'hésitez pas, je peux m'en occuper, j'ai du temps libre, apparemment on est en confinement. Et après sur nos réseaux sociaux habituels, donc sur Facebook @lecteurdecomics, sur Twitter @OccitanieComics et sur Instagram @OccitanieComics. Dernier mot quand même, hein. Restez chez vous pendant le confinement, c'est important pour les personnels de santé. Je pense que certains ont pu voir la crise de près, que ce soit Adrien, moi ou Nico, on a tous vécu le corona différemment, et le plus simple pour tout le monde c'est rester chez vous. Et voilà, restez à l'abri, n'hésitez pas à nous écouter tous nos podcasts encore et encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que vous pétiez un câble. Ça nous ferait plaisir. c'est clair. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et bien bonne soirée à tous, bonne soirée, bonne journée, tout le monde. Et restez chez vous. Ouais, que tout le monde reste chez soi. Et aussi que les mecs d'extrême droite et les gros racistes ne détournent pas ce message pour des façons malveillantes comme ça a déjà été fait. Oui, c'est pas faux. Et vite fait, en parlant de mecs d'extrême droite, j'ai envie d'y penser à quelque chose. Vous êtes sérieux ? Non, vous inquiétez pas. Mais pour ceux qui ont écouté nos lectures du moment, n'hésitez pas à aller chez Excalibur ou chez Attilan pour commander les comics ou pour commander les mangas. Parce qu'ils seront peut-être plus rapides qu'Amazon, parce qu'Amazon a réduit les débits de livraison. Donc, faites fonctionner les petites sociétés, c'est très important pour eux et pour l'économie. C'était quoi le rapport avec l'extrême droite dans ce que tu as dit ? Rien. J'ai pas fait très longtemps. D'accord. J'ai eu peur parce que vu que j'ai parlé de Nain qui est avec les Allemands où on suit les nazis, je me suis dit, il va peut-être parler de ça ou un truc comme ça. Et c'est-à-dire, ouais, ça pourrait vous faire. Non. En fait, c'est juste une illumination. Tu m'as parlé de ça. Et puis bon, tu vois, le côté Amazon, grosse société fasciste et tout. Je me d'accord. Dis, allez, ok. Ouais, bon, c'était alors, la dernière émission, je pense. Ça faisait longtemps, je t'ai pas retrouvé comme ça. Non. Là, honnêtement, voilà, c'était la dernière illumination. Restez chez vous et voilà. Et à très bientôt. À très bientôt, parce que malgré le confinement, on va essayer de continuer à faire quelques émissions. Ça sera plus compliqué pour certains, mais on s'arrangera pour revenir très vite autour d'un bon débat comics. si on faisait la fête. Bababoum, bababoum, c'est la formule la plus cool. Pour oublier nos ennuis et pour que chacun se défoule.